بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le temps, en vérité, l'homme court à sa perte, à l'exception de ceux qui croient et font le bien, s'enjoignent mutuellement de s'en tenir à la vérité et s'incitent mutuellement à la patience.